spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien F. Gartin et Myriam Lortie du journal Zone Campus nous présenteront le prochain numéro et on dégustera un peu de malbouffe de notre segment de grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 27 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ouais. Oui. Aujourd'hui, l'émission, Steph. Bonjour, ça va? Allô? Ce sera la discussion d'aujourd'hui. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Toi, ça va bien? Oh, super, super, super. Tu savais-tu qu'à 8h, on a Gabriel Béhout? Ben, tellement. De la huître? Oh oui, j'ai juste regardé la programmation. On va parler d'improvisation avec lui, comme on le fait à chaque semaine. On va revenir sur le match d'hier, match régulier. Ils sont rares, les matchs réguliers de la huître. Ils sont tout le temps pas le même jour que d'habitude. Ouais, ouais. C'est mêlant. Donc à 8h, ensuite à 8h30, Myriam Lortie, du journal Zone Campus. Mm-hmm. On va parler du plus récent numéro, le volume 10, numéro 10. Oh! Oui. Faut faire un vœu. Et tant qu'il y a jusqu'à partir d'aujourd'hui. Ensuite, à 9h, ce sera une grosse pointe d'adresse. Bon, faut faire un vœu. Ben oui, un vœu de satiété. Hein? Oui, parce que pas vœu de chasteté ou de des autres affaires plates, là. Jamais. Dans le journal Zone Campus, là, une section à la place de satiété, on va faire satiété, tu sais. Ah, oh, ça serait parfait. Que des craintes de bouffe, ça serait parfait. Mmh. Parlant de Zone Campus, on va débuter avec Sébastien Gartin. Bonjour. Salut, j'ai oublié ton F, excuse-moi. C'est correct. Sébastien F. Gartin, bien sûr. Mais toi, c'est vrai, là, c'est pas comme Yves Pépeltier puis Richard Zetiroy. C'est un vrai F, ça, là. Non, il y a un vrai nom, là. Okay. Là. Est-ce qu'un jour, tu vas l'enlever? Je penserais pour, pas. Pour changer de carrière comme Yves Pépeltier, qui est maintenant juste Yves Pépeltier. Ah, je savais pas. Oui, maintenant, il signe juste Yves Pépeltier. Je pense qu'il a voulu se dissocier de cette image-là, malgré qu'il reste un authentique bouffon. Bouffon intelligent. Sur ses chèques de loterie, il signe ça. Ben, il a probablement jamais signé le P, on s'entend, ouais. C'est même pas son certificat de naissance. Soit dit en passant, Mathieu, pour avoir travaillé très longtemps dans un dépanneur, je peux te dire que la signature sur le chèque de loterie, là... c'est un mythe! C'est assez aléatoire, si je me trompe pas. Ouais. C'est pas mal le teint. Ouais. Ouais. Passe-les, Colic. Un X. Oh, ça fera. Chaud et grim. Bon, ben, Colin, c'est super, ça, ces sujets-là. Ouais, les, ouais. Des sujets de fond, qu'on appelle. Comme dans Check It Backstore, c'est immense, mettons. Ça, c'est le sujet de fond, ça. C'est la chronique éditoriale de Sébastien F. Gartin. Sébastien F. Gartin! C'est moi! Chronique éditoriale du journal Zone Campus. Oui. On te parle comme ça aux deux semaines d'un sujet d'actualité. Apparemment, oui. On essaie de comprendre ensemble. Je sais que dans ce numéro-là, tu nous parles un petit peu des projets de l'AGE. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que c'était censé être mon premier éditorial de la session. C'était « Voici ce qui s'en vient en 2015 pour l'AGE ». Clac, dès le départ. Voici qu'est-ce qui comment ça regarde pour eux autres en 2011. Ah, ça aurait été logique. En 2011. Ouais, 2015, excusez-moi. Pas très à jour, ouf. Là. Ouf! Non, pas de facile à matin. Fatigue. C'est ça. Il y a eu comme un neurone qui s'est foulé en quelque part. Mais je pense que le calendrier 2015-2011, c'est exactement le même. Hein? Mathieu, oui, tu m'en parles souvent, c'est pas le calendrier revienne. Exactement. C'est pour ça que je me suis trompé. Je le savais. C'est ça. Tu utilises tes vieux calendriers. C'est pas de ta faute, vraiment. T'es ouais. Cheap, pas de ta faute. C'est un trait de personnalité. Okay. Ça arrive. Fais attention pour te présenter à ton rendez-vous chez le dentiste de 2011, par exemple. Il t'a encore écrit sur ton calendrier. Ben, tu sais, mais c'est parce que mon dentiste aussi utilise son calendrier de 2011. Fait que c'est comme ça. Bien timé, c'est complet. L'art de perdre du temps avant de commencer la chronique. L'art de remplir la demi-heure au grand complet pour arriver. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, comme je disais, donc la chronique, c'était supposé d'être la première.

déjà. Donc, les projets de l'OGA pour 2015, on a parlé un petit peu de ces affaires. Et vous pouvez lire l'article dans Zone Campus en ce moment, ou en tout cas à partir de plus tard aujourd'hui. L'éditorial de Sébastien Viartin, comme toujours en page 5, perspective pour la session d'hiver. Ouais. Merci Sébastien et Viartin. Merci de l'invitation. Et on te retrouve dans deux semaines pour une autre chronique éditoriale. Et oui. Merci. Bye bye. Bye bye. C'est toujours l'assemblage requis. Dans quelques instants, ça va être Gabriel Béhoud et la chronique de la Luitre. Mais avant ça, on s'en va entendre un extrait, nouvel extrait de la semaine passée dans les palmarès. C'est fou, c'est par King Gizzard and the Lizard Wizard. Ouais. Pardon. Pardon. Voici Cellophane au 89.fm. C'est fou. Gizzard and the Lizard Wizard, la pièce Cellophane à Assemblage Requis. Et au retour, on parle d'improvisation avec Gabriel Béhoud de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours retour à Assemblage Requis en ce mardi 27 janvier 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Alors, quelques instants, ce sera Gabriel Béo de la chronique de la Luitre. On parle d'improvisation, du match d'hier, du match de la semaine prochaine. Mm-hmm. Une belle session improvisationnelle qui s'annonce pour cet hiver. Mais avant ça, on écoute Kepler. Oh! C'est bon. Une bonne idée, ça fait longtemps, me semble. Je pense que oui, j'essaie des fois c'est de prendre des affaires que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Donc, Scaphandre de Kepler, KPLR, tout de suite sur C'est Fou. Comment le feu? FM! Faites-vous en pas si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de Chine, partout sur les murs de mes pieds à ma tête, si je deviens fou. Snowpocalypse aux États-Unis, apparemment. Kepler et Scaphandre à Assemblage Requis. On va se prendre une dernière chanson avant d'accord. de continuer. Parce qu'on me dit que notre collègue d'improvisation est là. Ok, je comprends. Clin d'œil. J'allais partir sur d'autres choses, donc je partirai pas sur d'autres choses à la place. On va écouter Bigfoot featuring Ben Nintendo et Scott Harriet. Voici Brother Octopus au 89.1 FM. C'est fou. You're listening to Soul of the Sea. C'est promis qu'après ça, c'est de l'improvisation. Oh oui. Et où sur C'est fou 89.1 FM. Saw Bigfoot in the yard last.

Guillaume Beauregard et entre les mots et les actes. Assemblage requis dans quelques instants, ce sera Myriam Lortie et la chronique du journal Zone Campus. On va lire tous ensemble. Après les délires avec Gabriel, on va juste lire. Ah, c'est bon ça. Ouais. C'est sage. Ben oui. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec les paroles sages? Coup de découverte. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis en ce mardi 27 janvier 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Elle est venue juste arriver là, le moment là, de tant attendu, de parler de l'actualité. Là. C'est, on essaie d'être mélodieux dans nos façons de dire les choses. C'est la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. On se crée dans une salle de presse avec des moustiques. C'est Myriam Lortie, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui est là. Hey, bon matin! Hey! Yeah! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Super, super. Et c'est le numéro 2 du Zone Campus pour 2015. De 2015, c'est-à-dire le numéro 10. De l'année scolaire. Pour l'année scolaire. On se voit dans des circonstances un peu plus positives que la dernière fois, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, là, c'était lourd un peu, là, de Charlie Hebdo. Tout à fait. D'ailleurs, oui, parce que c'est ça, on parlait de Charlie Hebdo. Ben, même tout le monde en a parlé là, au dernier numéro. J'ai entendu même Sébastien. Aussi pendant, mais tout ça pour dire que ce soir, il va y avoir quelqu'un du Zone Campus qui va être là. Il y a un membre de la rédaction de Charlie Hebdo qui va être à Trois-Rivières. On sait pas encore, c'est peut-être juste la correctrice ou leur secrétaire, on sait mais pas. Mais même à ça, j'aurais voulu y aller, mais moi j'ai un match d'improvisation à la Ligue d'improvisation mauricienne d'ailleurs, à 20h à la Maison de la Culture. Mais les places étaient vraiment limitées, fait qu'on a quelqu'un qui va le couvrir, c'est au Zénob ce soir. Oui. Je suis vraiment curieuse de savoir, puis ça risque d'être une rencontre assez particulière. Lourde encore. Oui. Très, très lourde. Mais c'est ça, ramenons un peu la légèreté parce que sur la couverture, c'est... Oui, là, c'est complètement ailleurs pour ce numéro-ci. Carnaval. C'est ben, le carnaval. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Hein? Le carnaval, tout le monde était déguisé. Il y avait 10 000 activités sur le campus. Fait qu'on a essayé de suivre ça pour vous. Dans le fond, on a beaucoup de couvertures de beaucoup d'activités du carnaval, dans le fond, et qui, cette année, était un réel succès, dit-on. Oui, entre guillemets, avec un point d'exclamation à l'extérieur du guillemet, parce que ça fait pas partie de la station. Mais c'est la coordinatrice qui le dit. C'est ça, donc, un réel succès, elle a mis un point. Tout a bien été, et les gagnants sont... je pense que c'est souvent eux qui gagnent, chiropratique. Oui. Sont forts, Kiro. Suivi de psychologie et les loisirs, culture et tourisme. Ouais. On vous a fait un beau petit montage photo, si vous voulez voir dans Zone Campus qui sort aujourd'hui, et un article complet qui résume tout et qui vous rappelle en petite bulle dans le coin les autres nombreux articles du carnaval qu'il y a dans le journal. Donc, vous pouvez retrouver ça directement en ouvrant le journal. On cherche pas trop longtemps. T'sais. Tout à fait. On cherche pas trop. Le mot de la rédactrice, Myriam, comment ça va? Ah, je suis en train d'oublier ça. Ben, moi, là, j'ai commencé une maîtrise hein, cette année. Oui. C'est ça. Ça parle de ça. Et ça parle de mes nombreuses lectures que j'ai à faire et que je comprends pas tout le temps. Ouais, et des fois, il y en a qui font semblant, puis c'est pas bien mieux. Non, là. Ils font pas semblant. C'est juste qu'il faut que tu sois dans un certain état d'esprit. Là. Tu lis pas ça sur la plage. En tout cas, pas moi. Puis, donc, c'est ça. J'espère que des gens vont compatir avec moi. Oh, on te le souhaite, Myriam, on te le souhaite. Ça s'appelle « Je t'en paye un verre ». Vous allez voir pourquoi ça s'appelle comme ça en lisant le mot de la rédactrice en page 2. C'est drôle. Ouais. Toujours en actualité, on a parlé un petit peu d'AGE tantôt et des projets à venir avec Sébastien F. Gartin, mais oui, l'association, c'est vrai, l'association générale est rentrée en douceur pour le conseil d'administration. Oui, mais le 18 janvier, il y avait le premier CA de l'année. Encore deux démissions. On devrait se partir une émission sur les démissions. Ah, ben... La démission, l'émission démission. C'est pas pire, ça? Ce serait une excellente idée. Je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'il y a le VP sociopolitique qui a démissionné et voyons, je me rappelle plus c'est quoi son poste, mais c'est Robin Fournier T'es pas à l'environnement, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, vie associative. Ouais. Donc, ce poste-là n'a pas été remplacé pour le moment parce que les élections sont comme dans un mois et demi. C'est ça. Mais c'est... le VP sociopolitique, il a été remplacé par intérim par Jean-René Leblanc qui avait aussi posé sa candidature la dernière fois et là qui va l'assurer jusqu'aux prochaines élections. Un gars qui tourne autour de la GIA depuis un bon bout de temps. Ah oui, il connaît. Il est louche, il est louche. Il tourne autour des locaux. Il veut être dans la gang. Non, non. Moi, ce que je trouve quand même particulier, ça doit vraiment aller mal. Je sais pas, on connaît pas les raisons derrière tout ça, puis on spéculera pas. Mais si t'es pas capable d'attendre justement là, un mois et demi avant que les mandats se changent. Mais en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, je pense. Ouais. Là, parce que souvent, c'est des étudiants aussi à temps plein ou à temps partiel. Fait que c'est sûrement beaucoup de pression. Je sais pas, je l'ai jamais fait, mais. On prend enquêter là-dessus, savoir, parce qu'il y a eu, je pense, il est à noter que depuis les élections de mars 2014, c'est un total de 6 personnes qui ont démissionné et se sont succédées. Les gens pour qui vous avez voté là, sur le portail étudiant, là, ils sont tous plus là. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent, fait que ça peut être l'occasion, là, c'est bientôt les élections, fait que de s'impliquer. Pas beaucoup de gens qui se présentent, pas beaucoup de gens qui votent non plus, malheureusement. Puis autre chose, dans ce CA-là, il avait été discuté en Assemblée générale de l'ouverture d'un poste au... interculturel. Oui, c'est ça. Mais ils ont voté la non-pertinence de ce poste-là pour plusieurs raisons, puis ils ont décidé plutôt de concentrer les tâches de cet éventuel poste-là avec l'association Complice, qui est une association multiculturelle. Et externe à la GIA. Je crois. Je sais pas si c'est externe ou si c'est un comité de la GIA, là, mais c'est pas un poste sur le comité exécutif. D'accord. Toujours en actualité, 54 heures d'entrepreneuriat, c'est du 27 février au 1er mars prochain qu'aura lieu le Startup Weekend à Trois-Rivières. Oui, c'est une fin de semaine complète. Dans le fond, je sais pas si vous avez sûrement déjà vu passer ces annonces-là là, depuis sur le portail étudiant, entre autres. Mais on a sur la télé aussi, on a vu un petit peu. Oui, mais là, la journaliste Chloé a rencontré l'organisateur, fait que c'est une entrevue avec lui qui explique pourquoi il y a ça à Trois-Rivières, ce que ça peut apporter à des étudiants. Ça a vraiment l'air le fun, même. J'en parlais avec elle après l'entrevue, puis on avait le goût de s'inscrire. Mais... Oui, puis... J'ai pas d'idée d'entrepreneuriat, mais ça pourrait venir. Il y avait une entrevue avec lui aussi à Génie en liberté. Oui, c'est vrai. Ensuite, la recherche à l'UQTR. Joël Gagnon, un chercheur conscient. Oui, mais tu sais, les ateliers sur la procrastination, anti-procrastination, où personne ne va. Non, parce qu'ils sont tous là, mais ça peut. Moi, ça m'avait fait rire parce qu'on a envoyé une journaliste couvrir un de ces ateliers-là, puis elle parlait avec justement le directeur, là. Puis il disait qu'il y avait beaucoup d'inscriptions, mais peu de personnes s'y rendaient. C'est comme le comble. Tu procrastines ton atelier anti-procrastination. C'est digne d'Alanis Morissette, ça, là. Tout ça. Isn't it ironic? Non? Isn't it ironic? Il y a un fret, là. Ça met une distance. Okay. Mais pourquoi Alanis Morissette? Elle avait une toune, Isn't it ironic? Ouais, la fois qui n'était pas vraiment ironique, c'était l'ironie de la chanson. On la connaît pas, ta toune. Mais voyons donc, Alanis Morissette. J'ai jamais trippé dessus. Trop jeune. Mais je pensais ça. C'est quoi le rapport? Trop vieux, Mathieu Plante. Arrêtez donc. Bon, tout ça pour dire que la procrastination, pas la persécution, on va en reparler d'ailleurs. De Manolo qui a fait un spectacle. Bon, tout ça pour dire que Joël Gagnon, c'est un étudiant au doctorat en psychologie qui travaille avec ce dit chercheur-là qui travaille sur les ateliers anti-procrastination. Donc, il travaille sur les cognitions comportementales. Ouais. Toujours dans les segments de journal qui ne sont pas des chroniques, ces anciens étudiants, que sont-ils devenus? On parle de Maude H. Richard. Oui, on a déjà fait le monde des communications, mais là, cette fois-ci, c'est plus du côté radio, télé communautaire. C'est une diplômée de l'UQTR ici qui... c'est vrai qu'en communication, quand tu sors, tu peux avoir une job stable, mais moins intéressante que si tu pognes comme plein de petits contrats, puis je trouve qu'elle reflète bien la réalité de plusieurs étudiants qui sortent, entre autres, d'un programme de communication. Ouais. C'est long faire sa place. T'as plein de petits contrats, mais elle veut persévérer là-dedans, donc je trouve ça intéressant. Ben, on lui souhaite qu'il y ait du succès. Maude H. Richard, j'aurais vraiment aimé si sa lettre, à la place d'être H, avait été B, ça aurait fait Maude B. Richard ou Moby Dick. Ça aurait été vraiment parfait. parce que Dick était un surnom pour Richard. Ça aurait été Moby Dick, ça allait paraître. Oh Bon, on passe en société maintenant avec toujours nos mêmes savoureuses chroniques du nombre de 5. Commençons avec Kevin Gaudreau et entre les deux, Paul. Oui, juste avant, Mathieu, il y avait une belle chronique en actualité. Ah, excusez-moi, sauter ça, t'as bien raison. Ben justement, une nouvelle, sur ben, c'est ça. Que tu t'en rappelais plus. Marie-Odile Richard qui a lu pour nous le projet de loi 20 avec les médecins et qui nous démystifie tout ça, d'où le nom de sa chronique « L'actualité démystifiée ». Oui, excellente idée de lire cette chronique-là pour vous renseigner un peu. Elle c'est pas mal mieux que 5 minutes là, pour dans le Journal de Montréal, là, avec des dessins pour les... Mais en même temps, je comprends quand ils me le disent. Dans donc, société, donc ouais, entre société. Les deux pôles. Kevin Gaudreau, oui, il nous parle de l'épuisement professionnel. Donc, lui qui est le en psychologie. Ben oui. Oui, tout à fait. Ensuite, YOLO versus YODO, ou YODO, le monde en question avec Jocelyn Aubu et Sheila Gaudreau. Dans le fond, je vais vous lire son début, là, elle va le dire mieux que moi. Okay. Depuis sa création, le hashtag YOLO, You Only Live Once, hein, on l'entend? On juste l'entend tout ou on l'entend pas? On l'entend. On a vu qu'une fois, a été tweeté plus de 20 millions de fois. À son apogée, on l'a utilisé 388 000, mon Dieu, j'ai de la misère avec mes chiffres, 388 000 fois en 24 heures. C'est le carpe diem moderne. Profite du moment présent, vis comme si demain n'existait pas. Tire le maximum de chaque jour. Certains l'utilisent comme une excuse pour justifier des excès en tweetant, par exemple, « Yo gang, je mange du poulet cru en faisant du wheelie sur ma moto, YOLO! YOLO. » Mais elle nous parle du YODO, qui est « You c'est only... » C'est un personnage de Star Wars. Je pense que oui. You only die once. Fait que là, elle fait die only once, you will. Donc, voilà. Comme dirait Yodo. Christina Monfette-Fortin et sa chronique L'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles. Ça aussi, c'est nouveau de cette session-ci. Oui, puis je l'aime bien, cette petite chronique. J'allais dire cocasse, mais c'est pas tout à fait le mot, là, mais. Coquine? Pas coquine non plus, mais c'est drôle et intelligent en même temps. Comestible. Mais l'or bleu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, l'or bleu? De l'eau. Wow! Donc voilà, elle nous parle de l'eau. C'est bleu quand le fond de la piscine est bleu, maintenant? Sinon, c'est un peu transparent. Acheter l'eau. Est-ce que tu penses que le fond du fleuve est bleu, toi? Ouais, non, peut-être pas. Hein. C'est vrai, ça. Hey, le 21 janvier, savez-vous ce qu'il y avait? La journée... International des câlins. Des câlins! Oh! On a passé tout droit! Et c'est ce dont nous parle Normand Leclerc avec sa chronique Changer la vie, un peu de chaleur humaine. Et lui, la journée internationale des câlins ne concordait pas avec la sortie du journal. Oui. Mais il a décidé de changer la date de cette journée-là pour en parler. Quel rebelle! Quel rebelle! Voilà. Et finalement, c'est bien sûr Jean-François Veilleux et je me souviens au pouvoir citoyen sur les origines du Parti libéral du Québec. Oui, bien en fait, c'est en deux parties. Et c'est, on connaît Jean-François Veilleux étant très détaillé, historique et politique. Ouais. Donc, c'est une chronique à son image aussi. Un peu l'histoire du Parti libéral pour se rappeler où on va, pour savoir d'où l'on vient. C'est en deux parties. Et alors, cette semaine, c'est la première. Génial. Maintenant, on passe en art et spectacle avec, bien sûr, plein d'articles sur le carnaval, entre autres, pour débuter, le spectacle musical de Vincent Vallière. Ben oui, tout à fait. C'est Nadia Tranchemontagne qui nous couvre le spectacle de Vincent Vallière, qui a eu énormément de monde aussi, beaucoup de monde hors université, parce qu'on pouvait payer, je pense, à la porte, comme 10$. Je vais vous lire juste une phrase que je trouvais qui résumait bien. Si certaines personnes avaient pu douter du choix de l'artiste, croyant assister à un spectacle folle tranquille, Vincent Vallière s'est assuré de leur donner tort. C'est une foule de gens de carnaval qui avaient beaucoup bu, donc il fallait que ça bouge un petit peu. Oui, mais il y avait beaucoup de monde qui disait « Ouais, Vincent Vallière, carnaval, c'est un drôle de... » C'est relax pas mal, Vincent Vallière. Oui, mais il a bien dosé ses chansons. Il les a comme adaptées au carnaval. C'est cool. Quelqu'un qui est capable de s'adapter là-dedans, là, c'est bonne chose. Ouais. Ensuite, toujours au carnaval étudiant, le côté humour, c'était le spectacle de Phil Roy. Oui, mais ça, je pense que c'est... Avec Vincent Vallière aussi, là. Mais peut-être même plus, ce spectacle-là a été un moment fort de ce que j'ai entendu parler, de les commentaires que j'ai reçus, là. C'était plein. Le monde, on rit. Ils ont vraiment beaucoup apprécié. Puis je pense qu'aussi, justement, là, ça visait pile dans l'esprit du carnaval étudiant. Donc, j'aurais aimé ça y aller. Je sais pas. Je pense que j'avais de l'impro. Je sais pas quoi, mais... Moi, c'était par paresse, tellement. spectacle de la rentrée hivernale, parce qu'il n'y avait pas juste Vincent Vallière dans les mêmes coins de jour, dans les mêmes, la même période de deux semaines. Il y avait aussi un spectacle pour la rentrée hivernale de QTR. Et là, ouais, c'était We Are Wolves. Il se passe des choses sur le campus. Mais ça. Ben, c'est ça. C'était à la Chasse-Galerie. Il y avait un petit peu moins de monde. Mais je ne sais pas si les gens comme, se réservaient pour la semaine d'après. Peut-être. Mais habituellement, on me dit que le spectacle de la rentrée est une semaine plus tôt. La session a commencé plus tard. Donc, d'habitude, il y aurait eu un bon 2-3 semaines entre les deux spectacles. Là, ça donnait que c'était deux semaines presque collées, en fait. Le 14 janvier, puis le... Ouais, c'est ça, c'est deux semaines collées. Ben, il y avait trois groupes, là. Il y avait aussi Solids et Nova, qui font des covers. OK. Comment on dit ça en français? Des reprises. Reprises, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ils refont les mêmes du chansons. Du resurfaçage. Hein. Voilà. Du recyclage. Mais We Are Wolves. Oui, nous sommes nous. Ça vient marcher. Cool, ben tant mieux. Mais c'est tellement bon. We Are Wolves, mais hein, c'est bon. Puis Solids, tellement couvert, toujours très bon. ensuite, Ligue universitaire d'improvisation, la Luitre, 2015 a débuté en force. Évidemment, on a parlé en détail de la Luitre tantôt, là, mais c'était, là, c'était un résumé du premier match de la saison ainsi que le match du Carnaval dont on vient tout juste de parler. Ensuite, allons-y avec les deux articles du milieu en art et spectacle. Vernissage au centre d'exposition Raymond Lanier, de l'imprimerie au numérique. Les mots s'écrivent encore. Oui, mais c'est une exposition que... D'ailleurs, Mathieu Plante, tu m'as dit « Ah, j'aurais dû aller au vernissage. Ouais. » Mais c'est jusqu'au 8 mars, Mathieu Plante. Je vis ici dans le mille avec ça, avec ses commentaires. Centre d'exposition Raymond Lanier, c'est organisé par Sébastien Dulude. Ancien chroniqueur ici. Sébastien Dulude, il faut dire. Et correcteur aussi du journal, je pense. Accessoirement, oui. Il est au doctorat en lettres. Je ne sais plus si c'est à l'UQTR ou il est rendu à l'Université de Montréal ou les deux. Je connais pas sa vie personnelle. Non, tout ça, ça pour dire que c'est lui qui l'organise. Et c'est une exposition qui... Ben, regarde, je vais vous citer. Je voulais présenter un éventail, un panorama de propositions artistiques qui contiennent du texte. Et Marie-Christine Perra, je crois qu'elle apprécie beaucoup cette personne parce qu'à un moment, elle dit « Tout ce que Sébastien Dulude touche semble... » fonctionner. Tu sais que ça fonctionne, les projets qui entreprend. Fait que ça m'a vraiment donné le goût d'aller voir l'exposition. Super, moi aussi. Et le vernissage de la galerie R3 entre chaussures et photographies, Pablo Poblatti ou Poblatti. Oui, on l'avait déjà reçu aux Précieuses Ridicules, mon ancienne émission de radio. Feu, les Précieuses Ridicules. Et il y a l'exposition à la galerie R3 ici, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il présente une exposition qui s'appelle « Poétiquement en psycho-objet ». C'est un psychopoète. C'est vraiment un drôle de personnage. Ouais. Vraiment très attachant. Et ça vaut la peine d'aller faire un tour. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de l'Amérique latine. Il y a des origines aussi françaises. Puis là, il est comme québécois. Fait que je trouve que ça se traduit à travers ses œuvres, son mélange d'identité aussi. Cool. Donc, passons maintenant à quelques chroniques. Allons-y avec Félix-Antoine Desilets-Rousseau dans Les lunettes du frisé, le temps d'une rentrée littéraire. Oui, ben il nous parle d'une conférence qui est allée voir de Marcel Holzkamp à la petite brûlerie de Trois-Rivières, / l'histoire sans fin. Oui, oui, la petite bibliothèque intégrée qu'on a parlé dans un précédent numéro de son campus, oui. Et c'était, dans le fond... Il a fait une analyse, une évolution sur une période de 40 ans entre deux... je cherche mes mots là aujourd'hui, mais... Une période de 40 ans entre deux années, je veux dire. Non, mais deux personnes qui ont correspondu pendant 40 ans, les poètes. Oui. Donc, il parle de ça et de la rentrée littéraire hivernale aussi. Oui, lui, c'est très important pour Félix-Antoine d'être très, très à jour. Quand le numéro sort, ça parle directement de ce qu'il y a dans le présent. Là. Pas d'affaire de v'là trois semaines. Et dans Mange l'IM, c'est l'éloge des paumés par Camille Durand-Plourdeur. C'est entre Jacques Ferron et Madeleine Ferron, excuse Félix-Antoine. C'est correct. La correspondance pendant 40 ans. Merveilleux. L'éloge des paumés, oui, ben dans le fond, c'est la canicule des pauvres. C'est un livre de Jean-Simon Desrochers. Donc, elle nous parle de ce livre qu'elle a particulièrement aimé, qui est sorti en 2009. C'est pas quelque chose de récent, mais c'est un livre qui l'a tellement marqué qu'elle avait envie d'en parler. Good. Quand tu dis un livre, j'avais l'impression que tu allais dire Olive. Fait que s'il y avait une boutique de livres qui pouvait s'appeler Un livre et papage, au lieu de livre et papage. toujours en chronique, La Petite Ténébreuse, elle qui s'est jointe à notre équipe ce mois-ci, en fait, au début du mois de janvier. C'est Michel Robitaille qui nous fait une visite de Auschwitz. Oui, ben, c'est le 70e anniversaire de la libération du camp de concentration de Auschwitz. Fait qu'elle nous en parle un peu, puis elle nous parle aussi de son expérience personnelle parce qu'elle est allée. Oui, puis même en voyage, puis on a même une de ses photos. C'est ça. S'en témoigne de sa présence. Et dans le cinéma d'aujourd'hui, Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle de deux films, toujours des films un petit peu moins connus qui sortent des sentiers battus, et on apprécie énormément ça, c'est Wild ainsi que Deux jours, une nuit. On retourne en article, toujours en art et spectacle. UQTR en spectacle 2015, hier c'était les auditions. On pouvait pas le couvrir. Ben non. Mais on va suivre quand même. Ben aujourd'hui, dans le fond, à 10h ce matin, il y a la conférence de presse pour le dévoilement des jeux. C'était hier. C'est rapide, ça. C'est vraiment rapide. Ben, c'est parce qu'en fait, ils ont rallongé la... Les candidatures. La période de candidature d'une semaine. Donc, on était censé le savoir la semaine dernière, sauf que là, finalement, ça se passait hier. Donc, on va connaître ce matin les finalistes pour UQTR en spectacle. Et on a aussi annoncé qu'il allait animer la soirée. Oui, ben, c'est deux joueurs de la Luitre, Philippe Grenier, capitaine des Rouges, et Alexandre Laramuzwicki, capitaine des Oranges. Et plus, Alex a fait le design visuel. Oui, ben, dans le fond, le thème de l'animation va être les deux hémisphères, donc ils vont représenter chacun un hémisphère, le gauche et le droit. Ouais. Ça s'appelle quand les hémisphères s'en mêlent. Mais comme s'en mêler. Mais c'est super bien fait, bien sûr, avec Alex et Philippe Grenier. Un autre vernissage, cette fois-ci à presse-papier, confortable comme à la maison avec Benoît Perrault. Oui, ben, c'est Benoît Perrault, un trifluvien qui fait qui présente sa dernière installation au presse-papier qui s'appelle Curling. Et c'est pas un jeu de mots avec cœur et ligne, c'est juste curling, comme le sport. Non, mais gars, il y a un lien poétique avec le curling, c'est-à-dire que la cible centrale est appelée la maison, et ce que je propose, c'est confortable comme la maison. Comme Target aussi. C'est une cible, c'est ça. Oh. Ouais. Ensuite, Tremblay. On a parlé tantôt de Manolo, de persécution. Tremblay, au Centre culturel Pauline Julien. On sait qu'il est vraiment tanné de se faire appeler Manolo. Probablement, mais... On l'aime pour ça. C'est comme ça qu'on l'a connu. C'est pas un reproche. C'est sûr qu'il doit être tanné. C'est un compliment quand on t'appelle Manolo. Persécution. Ouais, persécution. Je vais répondre ça à chaque fois. Au CCPJ de Trois-Rivières. Oui, ben c'est un jeune homme de Trois-Rivières, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et là, il présentait les nouvelles... Parce qu'il a sorti un album en 2012 qui s'appelait Ça va, ça va. Oui. Puis là, il sort un autre album, là, il vient de le finir, il sort en mars. Oui. Fait que là, il présentait les chansons de ce nouvel album-là qui n'est pas encore sorti. Puis vu qu'il vient de Trois-Rivières, bien, comme toute sa famille était là, c'était comme super intime comme spectacle. Puis il n'y a pas d'autres spectacles d'annoncer prochainement. Donc, c'est comme exclusif. Ben, vous l'avez manqué, donc honte à vous. Mais vous pouvez lire l'article. C'est ça. Ensuite, avant de passer au sport, on a toujours entre les deux, mon cœur balance, la section loisirs, avec la chronique d'Alexandre Laramuzwicki, l'illustration qu'on appelle, qu'on dit pas ce que c'est, mais quand même, le concept, qu'est-ce que c'est, mettons? C'est un confessionnal. Dans le fond, il poursuit sur sa lancée du confessionnal, et cette semaine, c'est Ginette Renault. OK, bon. Ginette Renault, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, aussi vos jeux. Et la petite Maxime, c'est nouveau de cette session-ci. La Maxime, c'est la petite phrase de Simonac Murphy-Gauthier. En sport, quoi de neuf en sport? Ouais, ben rapidement, en sport, il y a un petit retour aussi sur le bubble soccer qui a fait vibrer bien des cœurs au carnaval étudiant. Vibrer des cœurs? Ben, je pense que ça peut vibrer un cœur. Non, mais... Ça peut les faire rebondir les cœurs aussi. Ça fait rebondir. Ça. C'est rempli de rebondissements quand ça. Non, mais c'était une première en Mauricie. C'est quand même un nouveau sport, là, ici. Fait que, au Québec. Pas encore assez connu. C'est où les gens s'habillent dans une bulle d'air, un ballon. Puis, c'est ça. Ça fonce dedans. Avec une grosse ballonne autour de toi. Tu joues au soccer. C'est n'importe quoi. C'est super le fun. Ça a l'air le fun. Oui. Ouais. Sinon, en hockey, le match du carnaval, deux articles à ce sujet-là. Le Happening des Patriots. Oui, ben ce qui est dommage, là, c'est que, ben premièrement, il y avait un objectif de 1000 spectateurs à atteindre, parce que pendant le carnaval, c'est comme l'occasion d'avoir tous les spectateurs, le plus de spectateurs possible. Parce que les Patriots hockey sont super bons, ils font partie des meilleurs de leur... patente de sport, là. Ils gagnent tout le temps, c'est ça que ça veut dire. Mais il n'y a personne qui va les voir à Trois-Rivières. Donc là, c'était l'occasion, c'est ça. Il y avait un objectif de 1000 personnes. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, mais pas 1000. Il y a eu 800 personnes à peu près. C'est bien quand même. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils gagnent tout le temps, mais là, ils ont perdu. Quelle opportunité ratée, hein? Fait que je pense que l'entraîneur était un peu déçu. Il trouvait que les joueurs T'sais, puis ils ont déjà battu cette équipe-là. Puis c'était. Je sais pas si c'était comme il y avait trop de pression ou. Puis on sait qu'ils ont pas réussi à convaincre les Stingers de les laisser gagner, bâtard. Puis ils disaient que c'était. c'était généralisé, là, que l'équipe, tout le monde a mal joué. Mais en dessous aussi, on a un petit article qui parle vraiment de l'ambiance, de l'organisation du carnaval, puis tout ça. Donc. Du côté de l'organisation par rapport au carnaval, pour eux, il n'y avait pas de points négatifs, ils ont aimé l'ambiance, tout s'est bien déroulé. Cool! Mais ils ont perdu, qu'est-ce que tu veux? Ben, allez les voir plus, les Patriotes. Retournez-y, peut-être, ils vont probablement gagner la prochaine. Sûrement, juste pour être plate de même, gagner pendant que... Non, mais ça aurait été le fun. Ouais. Mais bon. Donc voilà, pour le son de campus, c'est le volume 10, numéro 10, en qui a jusque maintenant, en fait, du 27 janvier au 9 février, à partir de plus tard aujourd'hui, pas plus tôt, mais dans quelques instants, ça va être fait, d'habitude c'est en début de matinée, ça se fait quand même assez rapidement, il y a la distribution du son de campus, avec en couverture le spectacle de Phil Roy. C'est la couverture du carnaval étudiant. Ah, c'est vraiment une belle photo, là. T'as Phil Roy, puis tu vois le 10-12 rempli avec plein de monde assis qui est heureux avec leur chandail du carnaval. Dont notre journaliste qui a couvert ça. Oui, en tout cas, si vous regardez bien, on peut voir que la journaliste aux arts et spectacles est assis en première rangée. C'est vraiment oui. En admiration devant Phil Roy. C'est ça, bien. J'ai dit, hey, tu fais la une ce matin. Mais ouais, mais t'as dit qu'il était en première rangée. Je voulais faire un oui, Nadia, faire un concours ici. Ben, il y a plusieurs personnes en première rangée. C'est vrai, ça. Ouais. Myriam Lorty, rédactrice en chef du journal Zone Campus. On peut évidemment retrouver les articles sur le blog zonecampus.ca. Hein? Oui, à partir de demain. Ouais, c'est ça, pas mal. Et sur la page Facebook, facebook.com, cherchez Zone Campus en milieu de semaine, mettons. Mais allez-y tout le temps, puis likez. Là. C'est pas un problème. Puis n'hésitez pas à proposer aussi des gens, là, surtout pour les. Tu sais, des fois, les diplômés. Puis la recherche à l'UQTR, là, pas qu'on commence à manquer de contact, là, mais... Jamais! Ben, c'est parce que, tu sais, exemple, dans le journal, il y a beaucoup de gens qui étudient en communication, mais, tu sais, on veut pas toujours aller dans nos contacts de communication. Tu sais, j'aimerais savoir quelqu'un en maths, exemple, mais... Ouais. Donc, voilà. Rédaction... .zc commercial UQTR.ca. C'est ça, et puis sur zonecampus.ca, il y a l'adresse aussi. Tout est là, tout est centralisé, tu sais. Pas besoin de chercher. C'est ça, tout est à jour, ça. Puis il y a générique dans le journal aussi, pour contacter le monde. Page 2. Trop de détails. Merci, Myriam. Bon, ben bonne semaine. Puis, je vais me plugger, là. Il y a la Ligue d'improvisation mauricienne ce soir, 20h, à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est le début des scènes alternatives. Ah oui? Ben, le début. Il y en a deux. Cette semaine puis la semaine prochaine. Mais c'est les maîtres de jeu, Benoît Pedneau. J'allais dire Perrault, quand même, parce qu'on vient d'en parler. Benoît Pedneau et Stéphane. Je sais pas son nom de famille. Stéphane. Un des maîtres de jeu réguliers. Et ils proposent chacun une scène alternative. Ce soir, c'est Stéphane. Je l'adore, en plus, ce gars-là. J'ai pas son... Mais bref, la scène est au milieu des spectateurs, en cercle. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais en tout cas, c'est un scoop. C'est un scoop, vous le savez maintenant. Puis la semaine prochaine, une autre scène aussi. Deux fois de suite, les scènes alternatives. C'est ça. C'est 5$ étudiant. Ça lui fait les poissons, 20h. C'est ça. 6,50, quelque chose comme ça pour les non-étudiants. 7. 7, moi, c'est ça. C'est ça. Good. L'inflation. Merci, Myriam. Ben, ça fait plaisir. Bonne merci journée. À vous. Ouais. À dans deux semaines. Oui. C'est les mardis à quoi? 8h30. Voilà. Nous, on va se quitter avec une pièce de Tremblay. Je me suis dit que c'était approprié sur son plus ancien album, c'est-à-dire le plus récent parce que le nouveau n'est pas sorti. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sa pièce « Comme en Californie ». Je l'aime beaucoup, cette pièce-là, de Tremblay. Oui, d'accord. Ah, ça m'a joué. En face de moi, une ligne d'asphalte, pas plus loin que l'horizon. Des motels cheap, des coups de soleil, puis pas de question. À l'ouest la mer, à l'est la terre, nord, sud, pays, désert. Le rêve américain se vit comme si c'était le mien. Comme en Californie. La radio crée chanteuse est à San Diego, à Yuma. Le jour réchauffe les nuits de Vegas à LA. Moi je brûle des malbons, je prends des photos sur le bord du highway.

much potential.